Et toi qui rigoles, tu es ton building, qui divise pour mieux régner, qui exploite la misère. T'inquiète, on a très bien compris que ton but ultime, c'est de nous faire broyer du noir, histoire qu'on désespère. Sache que de nos jours, très peu de gens se disent positifs. Inutile de mettre en place tous tes dispositifs pour noircir nos idées, peindre nos têtes en gris. Nos cœurs sont déjà en crise, si ça peut t'attendrir. Mais l'ami désormais, je crois qu'il est tendri. L'ambiance sonore est faite de pleurs, il faudrait tendrir. Pour équilibrer la balance qui penche vers l'amertume, faudrait qu'on s'évertue à retrouver nos vertus. La clé du bonheur se trouve dans le rire. La vie, quel malheur, on finit tous par mourir. Mais là, c'est pas l'heure, donc garde le sourire. Ne tire pas la gueule, tes plaies vont se rouvrir. Tant stress, merde, on passe notre temps à courir. Trop de pression, mec, qui pourra nous secourir? Je ne fais que discourir, ce que je dis est pourri. Je sais bien, I'm sorry, si je le dis, c'est pourri. J'ai besoin de l'écrire, je ne veux pas partir. L'air triste, mon cadavre, risque d'en pâtir. C'est pourquoi aujourd'hui, je n'ai qu'une chose à dire, petit. Il est temps de rire. Il est temps de rire. Il est temps, il est temps de rire. C'est vrai que la vie parfois peut être dure, ouais. Cette impression d'aller droit dans le mur, mais que le résultat de nos choix nourri par le pessimisme. Le sentiment pessimiste en très peu de vie. Notre négativité empoisonne nos faciès. On oublie la gaieté jamais dans nos assiettes. Bien qu'elle soit bien remplie, on oublie que c'est une chance, mais ça ne fait pas un pli. Face aux larmes et aux doutes, à la peine, la tristesse. Ce plein temps de nos vies semble si tristesse. Le résultat de la malchance, où sommes-nous les vrais fautifs? J'irai la réponse que, car on n'a pas de vrais motifs. Mais la mort vient quand elle veut, alors rien te levant. Alors viens en vivant, car elle rien t'enlevant. Ta vie, ta vue, ton envie de vivre t'enivrera. Quand ton esprit te délivrera, hurrah. Profite de ta vue, ton ouïe, ton toucher et de ton odorat. La vie est inouïe, explore-la comme t'auras. Et t'auras bien des surprises. Sous l'emprise du rire, t'es bien assoupli. Bien détendu, t'inquiète, t'auras moins de rire. Bien entendu, je sais que c'est tendu. Je sais ce que t'endures et à quel point c'est dur, mais arrête de pleurer, ouvre les yeux et admire. La vie est belle et si remplie de couleurs et d'odeurs. T'es en parfaite santé, t'as une famille, des amis. Donc oublie tes douleurs, fais du rire ton moteur. Et souris à la vie, ainsi elle te sourira. T'auras jamais tout ce que tu veux, mais le bonheur c'est pas ça. Dans la mine, il ne s'agit pas d'avoir ce que tu convoites, mais d'apprécier ce que tu as déjà. Oh, yeah.